Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'assassinat du juge Renaud. Qui a tué le magistrat lyonnais le 3 juillet 1975 ? Si l'on raisonnait par l'absurde, on répondrait « personne », car la police et la justice n'ont jamais trouvé le ou les coupables. Pourtant, ce juge courageux, surnommé le shérif, a bien été assassiné, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ou bien sûr, il y a des hypothèses, quelques pistes incertaines, plusieurs scénarios envisagés, mais pas une seule preuve, rien. Alors, vengeance personnelle, règlement de compte, affaire politique. L'assassinat du juge Renaud reste aujourd'hui un épais mystère. Des dizaines de témoins ont été entendus. 6 juges d'instruction se sont succédés. À plusieurs reprises, la famille de la victime a relancé le dossier en vain, non lieu. Et pourtant, dans cette affaire, la ligne rouge a été franchie. C'est le premier assassinat d'un juge depuis la libération. Les enquêteurs s'en rendront vite compte. Ce crime les plonge dans le Lyon des années 1970, le Lyon de la pègre et des scandales, des hold-up et des enlèvements, des meurtres en série et des évasions de prison. François Renaud s'est lancé à corps perdu dans la lutte contre le grand banditisme lyonnais. Le shérif, son surnom, s'était promis de nettoyer la ville, surnommée à l'époque Chicago sur Rhône. Il y laissera sa vie. En seconde partie d'émission, nous recevrons Georges Fenech, magistrat et député UMP du Rhône, nommé juge d'instruction à Lyon en 1984. C'est lui qui a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire du juge Renaud en 1992, clôturant presque 20 ans d'enquête. En 2005, il a publié le livre « Un juge en colère », « En finir avec le juge d'instruction », plaidoyer pour une réforme du système judiciaire français, notamment pour la suppression du magistrat enquêteur. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui de Léa Dupuis et des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, réalisation Pierre Jabot, Koy Nguyen et Jérôme Chelius. À la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Lorsque François Renaud arrive au palais de justice de Lyon en décembre 1966, la première impression est celle d'un mariage un peu contre nature. Il faut dire que l'homme détonne vis-à-vis de ses collègues. D'apparence d'abord, chemise rose, pantalon rouge, absence de cravate, fine moustache et cigare au coin des lèvres. Dans ses méthodes, ensuite, le juge Renaud est un fonceur, réputé pour être tenace et incorruptible. Ce caractère bien trempé, il le prouve à 20 ans à peine, au moment de rejoindre la résistance dans le maquis de Saône-et-Loire. Quelques coups d'éclat traduisent sa fougue, comme ce jour où, sur sa moto, il mitraille un convoi allemand. La paix revenue, la pègre s'est fait une place de choix et impose sa loi à Lyon, d'autant que sa situation géographique est privilégiée, sur l'axe Paris-Marseille, à la frontière de l'Italie des années de plomb et de la Suisse, voire de l'Allemagne. Lyon devient la plaque tournante du milieu criminel. Et il faut ajouter à ce contexte singulier une autre réalité. Lyon est l'un des bastions des services d'action civique, ses anciens gros bras au service de l'OAS notamment. L'influence des barbouzes sur la politique locale de la région lyonnaise est très forte. La corruption et les règlements de compte sont courants, surtout les collusions entre les politiques, la police et la pègre deviennent de plus en plus fréquentes. À son arrivée, de sombres affaires comme celle du Festige Club ou de l'écurie des Rois éclaboussent les notables locaux, entre autres Charles Javilliez, un commissaire lyonnais qui est suspendu puis limogé, et Édouard Charret, député gaulliste condamné à 5 ans de prison ferme. Les clans rivaux font désormais la loi à ciel ouvert. C'est le juge Renaud qui hérite de cette lutte contre un grand banditisme en pleine expansion. Dès lors, l'enquête sur son assassinat se confronte directement aux coulisses du milieu. Une enquête rythmée par des erreurs, des non-dits et des mystères de la ville de Lyon, des traboules judiciaires et policières en quelque sorte. Lyon, 3 juillet 1975, 2h30 du matin. Rue de la Montée de l'Observance, François Renaud et son amie de l'époque, Barbara, rentrent d'une soirée chez des amis. Il gare sa célèbre BMW sur la première place qu'il trouve, en contrebas de son appartement. Ensemble, ils remontent tranquillement la petite côte qui mène au domicile du juge. Tout à coup, une voiture s'arrête à leur hauteur. La vitre se baisse, François Renaud se penche pour répondre à ce qu'il pense être une demande de renseignement. Il tombe nez à nez sur deux hommes encagoulés, le revolver sorti. Dans un réflexe, il se décale sur la gauche, repousse son ami, deux coups retentissent. Alors il se met à courir dans la rue. François Renaud réalise vite qu'il est impossible pour Barbara de fuir avec ses talons hauts. Impossible d'escalader les murets sur la gauche qui permettraient de se cacher dans les bosquets de la résidence. Il se réfugie derrière une coccinelle garée sur le bas-côté. Les tueurs font demi-tour, se rapprochent de la voiture et commencent à canarder. Le juge se couche sur son ami pour la protéger. Il est touché à l'épaule. L'un des hommes descend de la voiture, contourne la coccinelle, tire deux coups de feu sur François Renaud, puis déloge le magistrat d'un coup de pied dans les reins et s'assure de sa mort par une dernière balle dans la nuque. Les tueurs remontent en voiture et détalent à vive allure. Barbara se relève, rejoint l'appartement de François Renaud et prévient son fils Francis qui appelle la police. « Mon père a été victime d'un attentat. » À Lyon, le réveil est douloureux. Les premiers bulletins d'information reviennent sur les circonstances du drame, mais insistent rapidement sur la personnalité hors norme du shérif. François Renaud, juge d'instruction, est mort dans la tradition des règlements de compte. Ce magistrat de 50 ans était un homme dans toute l'acception du terme. Il aimait son métier, la vie, la table et les jolies filles. Sous son air de lord britannique, il était aussi capable d'apparaître en blue jeans rose et veste mauve. Il rentrait tard et sortait beaucoup. Il vivait, comme on dit. Et il est sûr que le juge Renaud dérangeait. D'abord, par son comportement un peu sec, parfois hautain et cassant, un dossier d'instruction devenait son affaire et il s'y accrochait en dépit des menaces et des risques. Ensuite, par cette façon bien personnelle de ne jamais porter de cravate, je n'ai pas besoin, disait-il, d'en imposer par une apparence vestimentaire. Il dérangeait aussi parce que, membre du syndicat de la magistrature, il allait loin dans l'application de cette intime conviction qui irrite les inculpés et les avocats. Enfin, François Renaud dérangeait parce qu'il n'était pas un magistrat comme les autres, ni bourgeois, ni rond de cuir, ni homme rangé. Il sortait beaucoup, comme je vous le disais il y a un instant. Alors bien sûr, la police et le doyen des juges d'instruction de Lyon, M. Augier, vont devoir chercher dans les dossiers et la vie mouvementée du magistrat les raisons du meurtre de ce matin. François Renaud était habitué aux menaces, mais ce n'était pas un problème. Ancien d'Afrique, il avait l'assurance de ceux qui se battent pour vivre et vivent pour se battre. Il faut attendre le témoignage de ses anciens collègues pour rappeler sa détermination, son courage et son talent. Tous se remémorent les signes avant-coureurs d'une réalité aujourd'hui dramatiquement concrète. La veille du drame, Gérard Thomassin, le dernier avocat à l'avoir vu vivant, lui redit de ne pas prendre les menaces à la légère. François Renaud balaye d'un revers de la main. Son fils se souvient, un ou deux jours avant sa mort, au cours du dîner, il lui confie qu'il est sur une grosse affaire, un truc qui peut aller très loin et qui le met en danger. D'ailleurs, quelques mois auparavant, ils ont eu le droit de porter d'armes. Mais après une altercation avec un automobiliste, il est à deux doigts de s'en servir à mauvais escient. Marqué par l'événement, il décide de ranger son revolver. Le drame soulève une indignation nationale. La mort d'un juge, c'est le point d'orgue d'une vague de violence qui touche le pays depuis plusieurs années. Et là, c'est l'autorité directe de l'État qu'on attaque, l'un des fondements de la République. Lors de la levée du corps, le 5 juillet 1975, Jean Le Canuet, garde des Sceaux, réaffirme l'ordre républicain et avertit les coupables, ils ne seront pas longtemps en liberté. Cet homme a été abattu avec une froide détermination et une lâcheté qui rendent le crime particulièrement odieux. Il est abattu, mais il emporte avec lui, comme une dernière victoire sur les criminels, de leur avoir fait peur. Ses camarades et ses amis ont dit et diront quel homme était François Renaud. Il m'appartient de rappeler qu'il fut un magistrat d'élite, comme il avait été dans la Résistance, un citoyen d'élite. Je suis ici aussi pour dire non aux assassins, qu'ils sachent que notre société ne se laissera ni envahir, ni dominer par la violence, qu'ils sachent que vous, comme moi-même, n'allons pas relâcher, mais renforcer notre combat contre le terrorisme. Tout sera mis en œuvre pour que les auteurs de ces crimes de sang soient recherchés, poursuivis et traduits devant les tribunaux. l'enquête commence. Les premiers éléments matériels arrivent rapidement. L'autopsie et les quelques témoignages confirment qu'il s'agit bien d'un assassinat. Mais ce crime ne ressemble pas aux méthodes du milieu. Les cagoules d'abord, au sein de la pègre, on tue à visage découvert pour montrer qui se venge. Ensuite, on ne laisse pas de traces, comme cette série de cartouches à proximité des lieux du crime. Reste à trouver le mobile, c'est là que ça se complique. Et pour cause. La liste des personnes qui auraient des raisons de tuer le juge Renaud est longue, très longue. Le magistrat a traité plus de 1500 affaires en 8 ans d'exercice et ne s'est pas fait que des amis. Deux exemples témoignent de cette animosité du milieu lyonnais envers le juge Renaud. En mai 1973, une mutinerie éclate à la prison Saint-Paul de Lyon. Si les prisonniers réclament surtout de meilleures conditions d'incarcération, ils s'adressent aussi directement au juge, au cri de « Renaud salaud, on aura ta peau ». Autre exemple, en 1975, peu avant le drame. Au cours du procès de deux jeunes voleurs, à l'arraché, des tracts sont distribués par le comité Action de prisonniers. Le titre est explicite. Les exploits de Monsieur Renaud, juge d'instruction surnommé le shérif, le grand pourvoyeur de la cour d'assises du Rhône. Rapidement, les enquêteurs se concentrent sur trois enquêtes récentes du magistrat. La première, c'est celle du gang de Guy Renaud, dit le dingue, spécialiste des hold-up qui sème la panique dans la région lyonnaise à la fin des années 60. Arrêté, il est condamné à 20 ans de prison. C'est lui, le chef des émeutiers de la prison de Saint-Paul. Puis l'affaire Yves Marin-Laflèche, du nom de ce riche hôtelier lyonnais qui disparaît le 4 juillet 1974. Rapidement, François Renaud se concentre sur le conseiller de Marin-Laflèche, Jean-Gérard Calvi, et deux complices qu'il soupçonne d'avoir voulu escroquer leur patron. Mais le dossier est faible, mal ficelé. Le parquet décide de les remettre en liberté. Le juge, lui, ne cède pas, il s'entête. D'autant plus qu'en novembre, le corps de Marin-Laflèche est retrouvé. À partir de là, le magistrat décide d'accélérer la procédure. Un peu trop peut-être, comme lors de cette interview où il annonce un peu tôt que le dossier ira jusqu'aux assises. Au début, nous étions partis sur une inculpation de séquestration. Maintenant, nous sommes certains que Marin-Laflèche est mort. Nous allons poser l'inculpation criminelle d'homicide. Si vous signifiez aux trois détenus de nouvelles inculpations, c'est-à-dire homicide, est-ce qu'ils comparaîtront en cour d'assises ? Oui, évidemment. Évidemment, le dossier sera envoyé au procureur général qui le transmettra à la chambre d'accusation, laquelle mettra en accusation et enverra devant la cour d'assises qui jugera. L'avocat en charge du dossier, Johannes Ambre, en profite pour dénoncer, je le cite, les méthodes expéditives et décriées du juge Renaud. L'assassinat du juge Renaud fait donc remonter les affaires aux profils différents. Banditisme, faits divers sur fond de grande fortune, affaires politiques. Les policiers établissent une liste de plus d'une centaine de suspects. Chaque cas est étudié, des perquisitions sont menées, puis tous les regards se tournent vers la troisième grosse affaire, celle du gang des Lyonnais, le dossier qu'instruisait le juge Renaud quand il a été assassiné. Mais qui sont ces Lyonnais? De quel gang s'agit-il? Nous sommes tous des assassins. Nous sommes tous des assassins. On ne sent plus le venin. Sensible, aujourd'hui l'assassinat du juge Renaud à Lyon. Le 30 juin 1971, à 9h du matin, un hold-up a lieu à l'hôtel des Postes de Strasbourg. Les policiers étaient là devant avec le trésor qui était en face, là, aussi, la camionnette du trésor. Puis le chargement s'est bien passé. Après, on est rentré à l'intérieur, on a tout bouclé l'intérieur, on a fermé, on a arrêté le monte-charge et tout. Et puis, ma foi, on est allé arrivé à l'intérieur. À l'intérieur, entièrement à l'intérieur. On s'est éloigné dans le couloir, il y avait des bonhommes qui étaient par là, ils le long du mur. Oui. On s'est éloigné, moi j'étais le premier. Et au coin, c'est là que j'ai eu l'action, qu'il y a eu... Combien de personnes ? Cinq à mon avis. Armés, oui, avec des revolvers. Et par où sont-ils partis ? Ça, je sais pas, j'étais à parler par terre, j'ai reçu un coup, j'étais sur le carreau. Quant à la somme de plus d'un million anciens, c'est une somme importante. Le receveur nous a expliqué que c'est parce que c'est la fin du mois. Est-ce que, d'une manière générale, les convois de cette importance ne sont pas escortés d'un bout à l'autre de leur parcours par des policiers armés ? Ah ben, ils le sont à l'extérieur. Et à l'intérieur non, de l'Alco, non ? À l'intérieur, non. Personnellement, quelle impression est-ce que ça vous fait d'avoir été victime d'une telle agression ? Eh bien, l'impression, c'est que ça fait 20 ans que je suis le receveur et je n'avais jamais eu un coup pareil. Un coup pareil, pour le moins, le casse du siècle, titre les journaux le lendemain. Plus d'un milliard d'anciens francs sont dérobés en 5 minutes à peine, pas un mort, ni même un blessé. Lors de leur fuite, les braqueurs empruntent des itinéraires secondaires, changent plusieurs fois de véhicule. Sur les lieux, ils n'ont laissé aucune trace, le coup parfait. Alors une vaste opération policière commence. Petit à petit, le lien est établi avec d'autres braquages commis en France ces derniers mois. Chambéry, Lannion, Bourg-en-Bresse, Roanne, Vienne. Toujours la même minutie, le même fonctionnement. Les enquêteurs concluent au travail d'une seule et même équipe. Pendant plusieurs mois, les braquages continuent. Mais tout bascule le 5 février 1972. Le groupe attaque un fourgon blindé sur le parking d'un carrefour de Vénissieux à quelques encablures de Lyon. Pour la première fois, les convoyeurs répliquent, du sang coule, l'un des membres du gang est blessé. Le coup de Vénissieux ouvre une piste que personne n'avait jusqu'ici évoquée. Le lien entre les braquages et une équipe lyonnaise. Le 8 février 1972, une instruction judiciaire est ouverte contre X pour vol qualifié. C'est le juge Renaud qui l'instruit. Selon lui, le gros de l'affaire repose sur le blanchiment de l'argent. Qu'ont-ils fait de leur trésor du hold-up de Strasbourg ? Renaud a une hypothèse, cet argent pourrait servir à financer un parti politique. Durant 2 ans, le commissaire Pierre Richard et ses équipes mènent leur enquête sous la direction du juge Renaud. Rapidement, ils identifient les principaux membres du gang des Lyonnais. À sa tête, 2 hommes, Johnny Chavel et Pierre Pourrat, dit le docteur. Les 2 chefs se sont entourés de plusieurs personnes, Edmond Vidal, surnommé Momon, Nicolas Caclamano, dit Nick le Grec, Pierre Zakarian, dit Pipo, ou encore Michel Silmezoglou. Mais de fil en aiguille, les policiers parviennent à suivre la trace de ce groupe si bien organisé qui laisse peu d'indices sur son chemin. Mais qui fait tout de même quelques erreurs. Joanny Chavel, par exemple, disparaît mystérieusement après avoir fait preuve d'une grande faculté à dépenser son argent imprudemment. Il est remplacé par Edmond Vidal, à la tête du gang. Le 20 mars 1974, le juge Renaud ouvre une instruction pour association de malfaiteurs. Des moyens sont débloqués, l'enquête avance. Sauf... Le 7 mai 1974, la 2e chaîne diffuse un numéro des dossiers de l'écran. Ce soir-là, après un film sur Al Capone, une discussion s'ouvre en plateau sur la situation criminelle française. Puis le débat aborde le hold-up de Strasbourg. C'est le moment choisi par François Colcombé, président du syndicat de la magistrature, pour prendre la parole. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'énormes sommes d'argent qui proviennent de la délinquance. Prenons par exemple le hold-up de Strasbourg. C'est évident que cet argent s'est réinvesti quelque part. Probablement dans un type d'exploitation en partie à la limite de la légalité, établissement de proxénétisme, etc. Et puis probablement dans des affaires tout à fait présentables, oui. Des affaires immobilières, etc. Lorsqu'on aura trouvé l'auteur, ce qui sans doute ne saurait tarder, on s'apercevra certainement une chose étonnante. Oui, il est certain que l'argent provenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ces hold-up peut servir au financement de ce trafic. Espérons qu'il n'a pas servi à acheter des hommes politiques. Là, devant des millions de téléspectateurs, François Colcombé vient d'avouer qu'une enquête est en cours sur le hold-up de Strasbourg, mais surtout qu'il y a de fortes présomptions de ramifications politiques. Le juge Renaud n'en revient pas. En une phrase, Colcombé vient de mettre 2 ans d'enquête en l'air. Sachant cela, évidemment, les Lyonnais vont se cacher. En réalité, le gang des Lyonnais continue d'organiser de nouveaux coups, mais toujours avec la même précaution. La police prend donc son mal en patience. Et le 29 novembre 1974, le commissaire Richard lance l'opération Chacal. Un vrai coup de force. 118 policiers sont déployés. et le gang des Lyonnais finit par tomber le 19 décembre 1974. 30 personnes sont interpellées, dont 9 considérées comme le noyau dur de l'organisation. Mais quel est le lien entre cette bande et l'assassinat du juge Renaud? De nouveau, c'est une erreur des autorités qui va bouleverser l'enquête sur sa mort. Le 12 janvier 1976, en effet, elle rebondit de manière inattendue. 6 mois après les faits, Roger Chez, nouveau préfet de police de Lyon, prononce un discours à la préfecture. Sans doute pressé par les journalistes, il en vient à dire une phrase lourde de conséquences au sujet de l'affaire Renaud. La police peut très bien connaître le nom des coupables, mais ne disposer d'aucun moyen de les confondre, dit-il. Incroyable. Dans les jours qui suivent, le Progrès de Lyon annonce que les assassins du juge Renaud ont été identifiés, mais qu'il manque de preuves matérielles de leur culpabilité. La presse nationale relaie la nouvelle. Incontestablement, les policiers lyonnais étaient sur une piste sérieuse depuis plusieurs semaines déjà. Ils avaient des indices, des présomptions, et ils avaient acquis la conviction que la mort du juge n'était pas le fait d'une vengeance personnelle, mais bien un assassinat téléguidé. Cependant, les tueurs qui ont pris le risque d'abattre le juge Renaud et ceux qui ont commandé l'assassinat du magistrat exécuté, je vous le rappelle, dans la nuit du 3 juillet 75, près de son domicile, eh bien, ces hommes savaient qu'ils seraient traqués sans relâche. Le ministre de la Justice, Jean Le Cannuel, avait lui-même précisé au cours des obsèques de François Renaud. Ces hommes donc avaient pris toutes leurs précautions et dans cette affaire, les policiers ne pouvaient se permettre aucun faux pas, d'où le blackout jusqu'ici observé sur le déroulement de l'enquête. Cependant, il y avait également de l'autre côté l'opinion publique qu'il fallait rassurer et il semble que certains enquêteurs aient cédé à la tentation de faire savoir ou du moins de faire comprendre qu'ils tenaient enfin quelque chose. Le préfet de police de Lyon a démenti que les 4 assassins du juge Renaud aient été identifiés. Cependant, dans son communiqué, il admet que l'enquête a beaucoup progressé. Quoi qu'il en soit, le préfet s'appuie sur un rapport de synthèse que lui a remis le commissaire Richard quelques jours auparavant. Que dit ce rapport? D'abord que le crime semble avoir été commandité par le gang des Lyonnais depuis leur prison, parce que le juge Renaud maintient depuis des mois sous les verrous la compagne d'Edmond Vidal, le chef du gang. Et ça, il n'a jamais pardonné au magistrat. À plusieurs reprises, il lui demande de la libérer. C'est non. Le juge estime que cette détention permet de maintenir les membres du groupe sous pression. Cette déduction s'appuie sur l'autre élément important de ce dossier, le témoignage d'informateurs. Dans les jours qui suivent l'assassinat du juge, 3 hommes viennent au bureau de la police lyonnaise apporter des informations. Un premier nommé Alpha raconte que le juge Renaud a été tué par 5 personnes. 2 des tueurs seraient des gitans de Décines, un quartier à côté de Lyon. L'un des 2 serait grand, frisé et aurait la jambe cassée. La jambe cassée, tiens donc. Les policiers font un premier rapprochement. Barthélémy Vidal, cousin germain d'Edmond Vidal, avait une jambe dans le plâtre lors d'une perquisition liée à l'affaire du gang. Et apparemment, les dates coïncident. Quelques jours plus tard, un second informateur, nommé Delta, se rend au commissariat. Il donne les noms des assassins potentiels, Jean-Pierre Marin, Michel Lamouret et Robert Alfani. Enfin, un troisième informateur, Gamma, révèle que l'assassinat aurait été organisé par Nick Le Grec, ancien du gang des Lyonnais, réfugié en Espagne au moment de l'arrestation du groupe. Selon lui, Le Grec a une dette envers les Lyonnais et aurait assassiné le juge pour la combler. Face à ces révélations, Edmond Vidal réagit par l'intermédiaire de son avocat. Monsieur Chex affirme sans preuve aucune. C'est Vidal qui parle, mais avec l'autorité que lui donne sa fonction. Que nous sommes soupçonnés de plusieurs hold-up, dont celui de la poste de Strasbourg et celle de l'exécution de Truand. Actuellement, une information judiciaire est en cours. Il est clair que par de telles déclarations et accusations sans fondement, le préfet de police tente, d'une part, de faire pression sur la justice et d'intoxiquer les futurs jurés de notre procès, et d'autre part, de faire oublier ses échecs répétés et ceux de ses services. Nous sommes les boucs émissaires bien commodes de M. Chex. La question est posée. Un préfet de police peut-il dire n'importe quoi et se situer au-dessus des lois ? Et puis, quelques jours après la phrase du préfet, un nouvel article du Progrès de Lyon donne un détail essentiel concernant l'identité des 3 coupables potentiels. Jean-Pierre Marin et Michel Lamouret bondissent. C'est eux qu'on décrit comme principaux suspects. Dès lors, ils prennent leur disposition. Michel Lamouret, par exemple, donne une interview anonyme. Vous affirmez que vous n'êtes pour rien dans cette affaire. Je l'affirme. Pourquoi donc croyez-vous que la police vous a mis en cause ? Eh bien, j'ai bien l'impression que... Ils ont sûrement voulu voir nos réactions, si ce qu'on faisait, si on disparaissait de la circulation, si par souci d'éliminer quelqu'un ou quoi, si vraiment on avait affaire, on allait se manifester d'une façon ou d'une autre, hein, peut-être en éliminant quelqu'un, mais comme on n'a rien à se reprocher, nous sommes là. Mais d'après la police, tout de même, vous et vos amis, vous n'êtes pas des enfants de cœur. Eh bien, bien sûr, parce qu'on a un passé judiciaire, quelques condamnations, et de là à assassiner un juge, ça fait deux. Hein. Surtout que, je vous dis bien, ni je ne le connais, ni je n'ai jamais eu affaire à lui, dans aucune affaire, dans aucun dossier, c'est facilement prouvable. Donc je vois pas pourquoi on nous met en avant. L'enquête sur l'assassinat du juge continue de s'engluer, d'autant plus que l'affaire entre maintenant en collision avec un autre fait divers qui secoue la ville depuis quelques semaines. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'assassinat du juge Renaud. Notre invité, Georges Fenech, le juge Fenech, par ailleurs député UMP du Rhône, nous le retrouverons dans quelques minutes. Le 9 décembre 1975, un petit garçon de 9 ans, du nom de Christophe Mérieux, est enlevé sur le chemin de l'école. Les kidnappeurs réclament 20 millions de francs. Les Mérieux sont une grande et riche famille lyonnaise. Jacques Chirac est un ami de la famille et insiste pour que l'affaire soit réglée en coulisses. C'est donc Alain Mérieux, père de l'enfant, qui s'en va remettre la rançon au malfaiteur. L'enfant est récupéré. L'enquête repose essentiellement sur les enregistrements des appels entre les malfaiteurs et la famille, sur lesquels les policiers reconnaissent une voix singulière, celle d'un ancien voyou lyonnais du nom de Louis Guillot, dit la Carpe. Les policiers remontent la piste et découvrent dans son appartement les empreintes de son complice Jean-Pierre Marin. Oui, Jean-Pierre Marin, l'homme cité par l'un des informateurs peu de temps après l'assassinat du juge Renaud. L'affaire Mérieux rencontre donc l'affaire Renaud. Louis Guillot est arrêté, Marin, sans que l'étau se resserre. Il se réfugie en Isère. Mais il est rapidement repéré par la police locale. Le 9 mars 1976, les policiers veulent l'arrêter chez lui. Prévenu de leur présence, Jean-Pierre Marin monte dans sa DS, roule à vive allure. Il percute les voitures de la police, sort de sa propre voiture, l'arme à la main, les policiers l'abattent sur le champ. En fait, la mort de Jean-Pierre Marin est un terrible piège et il n'est pas sûr que les enquêtes sur l'assassinat du juge Renaud et sur l'enlèvement de Christophe Mérieux aient à y gagner. Car en tuant Marin, on a aussi mis fin à toute possibilité de confondre celui qui jusqu'alors n'était qu'un suspect. Oh certes, dans le cadre de l'affaire Mérieux, le parquet et les policiers lyonnais affirment qu'ils avaient suffisamment de preuves pour le confondre. Mais il demeure que son audition aurait permis de confirmer, voire d'infirmer, certaines présomptions. En tout cas, on en aurait su un peu plus. Alors oui, c'est un suspect qui s'est fait tuer l'arme au poing sur un chemin de terre de Champagne-Mont-d'Or, mais ce n'était pas encore un coupable. Effectivement, la mort brutale de cet homme soulève de nombreuses questions. Coupable ou innocent, on ne saura jamais. Sa mort empêche surtout la poursuite de l'enquête sur l'affaire Renaud, cette affaire qui d'ailleurs n'en finit pas de s'obscurcir, ce qui laisse toute la place à différentes interprétations et réoriente l'assassinat du magistrat vers la piste politique. Les premiers à animer cette piste, ce sont finalement les plus concernés, le gang des Lyonnais, qui au cours de leur procès font une série de révélations où l'on reparle du sac et des malversations politiques présumées, l'hypothèse initiale du juge Renaud lui-même. Enfin, dans les années 80, cette piste de l'assassinat politique est aussi reprise par la famille du juge Renaud. Francis, son fils, confie le dossier à l'avocat Jacques Vergès. On a parlé beaucoup des cravates du juge Renaud, de ses virées nocturnes, de sa vie privée en définitive. Pour masquer le sens véritable de ce que j'appellerais son sacrifice. Le juge Renaud était un homme comme tous les hommes. Il avait des qualités et des défauts. Mais sa mort n'a rien d'anecdotique. Le juge Renaud avait déclaré avant sa mort, à ses plus proches, qu'il s'occupait d'un dossier très important. Il avait même dit duquel, le hold-up de la poste de Strasbourg, et que peut-être cela lui coûterait la vie, parce qu'il touchait à un interdit. Quel interdit ? C'est le financement des partis politiques. Mais aucun élément nouveau ne vient réellement étayer cette thèse. Le 17 septembre 1992, le juge d'instruction Georges Fenech, notre invité, sixième magistrat enquêteur sur cette affaire, conclut à un non-lieu après 8 nouvelles années d'investigation. Tant d'enquêtes n'auront pas réussi à débusquer la vérité, mais l'assassinat du juge Renault permet de révéler le climat qui règne dans la ville lyonnaise dans les années 70 et 80. Une affaire qui n'en finit pas de rebondir d'ailleurs. Le 25 décembre 2008, Louis Guillot, la Carpe, interpellé après l'enlèvement du petit Mérieux, se suicide après avoir tué son gendre. Il laisse derrière lui un enregistrement dans lequel il raconte toute sa carrière, si j'ose dire, dans le milieu. S'agissant de l'assassinat du juge Renault, il reconnaît faire partie de l'équipe des assassins, ce qui n'avait jamais été envisagé. Il confirme que Jean-Pierre Marin est le principal instigateur, mais qu'il n'y a aucun lien avec le gang des Lyonnais. De nombreux éléments de ce récit posthume n'avaient jamais été rendus publics par la police. Le crime serait le seul fait de Marin qui nourrissait une haine farouche à l'égard du juge. Ironie du sort, la solution à ce mystère aurait pu venir de la confession d'un homme surnommé la Carpe pour son légendaire mutisme. Georges Fenech, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes juge d'instruction et par ailleurs député UMP du Rhône. En 2005, vous avez publié un livre intitulé « Un juge en colère ». En finir avec le juge d'instruction, on reviendra sur cette thématique importante. Et c'est vous qui avez rendu l'ordonnance de non-lieu dans l'affaire du juge Renault en 1992. Rendre une ordonnance de non-lieu, ça veut dire, voilà, l'enquête est terminée. Qui concerne un collègue qui a été assassiné, qui était un juge. Vous étiez admiratif de ce juge-là, c'est un crève-cœur, hein ? Comment ça se passe ? Oui, j'avais l'occasion de le dire à l'époque, j'avais signé ce non-lieu, la mort dans l'âme. Mais en même temps, c'était pour moi une manière de rendre hommage au courage de François Renaud, en ayant moi-même, au nom de l'institution judiciaire, le courage de reconnaître que nous avions échoué. Il ne servait plus à rien, après toutes ces investigations et tant d'années, de continuer à faire vivre artificiellement un dossier dans lequel il n'y avait plus d'investigation. Je l'ai récupéré, cette affaire, j'étais effectivement le sixième en 84. La première des choses que j'ai faites en découvrant l'existence de ce dossier à mon cabinet, c'est de convoquer le commissaire directeur du SRPJ de Lyon, monsieur Richardot, pour lui dire, monsieur le directeur, voilà, j'ai ce dossier mythique, si j'ose dire, l'assassinat de François Renaud, à mon cabinet, quelles sont les investigations, est-ce que vous poursuivez votre travail? Et là, j'ai été très surpris. Il m'a répondu, pour nous, c'est le dossier numéro un. Donc, 9 ans après, la commission du crime, la PJ, qui vouait aussi une profonde admiration pour ce magistrat qui menait un vrai combat contre la pègre lyonnaise, n'avait jamais baissé les bras. Et donc, j'ai pris le dossier à bras-le-corps et pendant 9 ans, je vais déployer un maximum de moyens pour continuer, reprendre aussi l'enquête à zéro, puisqu'il y avait eu un échec jusque-là, quoi. Donc, je peux vous dire que ce dossier, on l'a vraiment, vraiment beaucoup travaillé. Et malheureusement, j'ai cru, à un certain moment, toucher de près la vérité et pouvoir, je dirais, transformer en vérité judiciaire ce qui n'était qu'une vérité policière. Non démontré jusque-là. Et je dois reconnaître que j'ai, comme mes 5 précédents collègues, échoué. Je n'ai pu matérialiser une quelconque preuve contre quiconque, même si j'avais des intimes convictions aussi, et que j'ai toujours des intimes convictions. Cette affaire est restée un échec pour la... Et c'est pour cela que j'ai préféré signer en accord, évidemment, avec le parquet de Lyon à l'époque et le parquet général, un non-lieu qui a fait l'objet d'un appel, qui a été confirmé par la chambre d'accusation, et qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, et qui a été confirmé par la cour de cassation. C'est quoi le point d'achoppement? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, malgré tout le travail, ça bloque? C'est les chevaux des gens impliqués, présumés, gang, et puis finalement pas le gang, et puis finalement une vengeance personnelle, et puis finalement pas une vengeance personnelle, les implications politiques, qu'est-ce qui coince? Peut-être les méthodes. Souvenez-vous, quelques années plus tard, vous avez fait allusion dans votre reportage, il y a eu l'assassinat du juge Pierre Michel, oui, à Marseille. Qui fait l'objet d'un film en ce moment d'ailleurs, au cinéma. Nous avons arrêté, quelques années plus tard, les auteurs de ce crime. C'était le deuxième magistrat instructeur assassiné en France, après François Renaud. Alors que celui de François Renaud est resté impuni. Je crois que la police lyonnaise à l'époque, qui travaillait beaucoup, comme on disait à l'ancienne, avec des indicateurs, s'était fié un peu trop, sans doute, à ces informations. Et peut-être a-t-on négligé, à l'époque, les actes essentiels d'une enquête, les constatations matérielles, les recherches d'empreintes, cette moto qui a jamais été retrouvée, qui a servi à voler ensuite une voiture qui était celle des assassins. Donc, si vous voulez, je crois que on a pêché un petit peu par certitude au départ, et il aurait fallu mener une enquête de fourmis et de balistique et de recherche de véhicules qui aurait peut-être permis de confondre les auteurs. Mais voilà, on en est resté à de simples informations d'informateurs anonymes. Alors, je précise que j'ai donc à côté de moi dans ce studio le juge Fenech, dont vous connaissez mieux que personne ce dossier. Alors, je me permets, puisqu'on a discuté ensemble, à faire 2 petites rectifications factuelles. Elles sont pas extrêmement importantes, mais autant être précis. Lors de l'assassinat, la voiture des tueurs ne fait pas demi-tour, hein, mais marche arrière. Oui. Voilà. Et puis, la femme du juge Renaud n'a pas donné son prénom. Elle a appelé Barbara. Elle a tourné la page. Voilà. On l'a appelée Barbara, parce que c'est une femme qui a fait tourner la page. Vous avez bien connu, vous connaissez bien le fils du juge Renaud. Oui, il se trouve que nous étions internes dans un lycée à Vienne ensemble, et il me parlait, des adolescents, il me parlait de son père, de son travail de magistrat, de son mode de vie, il était très admiratif de son père. Il avait conscience du danger que courait son père? Non, j'ai pas du tout le souvenir qu'il ait pu avoir vous savez, moi, quand j'étais étudiant en droit en 1975, et j'apprends l'assassinat du juge Renaud, ça provoquait vraiment un choc terrible, hein, terrible, pour un étudiant en droit que j'étais moi-même, et peut-être aussi susciter une vocation. C'est sans doute en grande partie à cause de cette atteinte à la démocratie qui était l'assassinat d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, que peut-être je déciderai définitivement de rentrer moi-même dans la magistrature. Le hasard a fait que je me retrouverai à instruire cette affaire. Et c'est ainsi, et vous voyez, 40 ans après, bientôt 40 ans après, en 2015, ça fera 40 ans que ce magistrat a été assassiné. Votre reportage réveille en moi beaucoup de souvenirs encore très vivants. C'est une affaire qui a traumatisé les Lyonnais. Le souvenir est toujours présent et j'ai interpellé, vous savez, tous les gardes des Sceaux successifs, comme juge, puis comme parlementaire, pour leur demander, mais pourquoi, comment se fait-il que ce magistrat qui a sacrifié sa vie n'ait pas été cité à l'ordre de la nation à titre posthume, comme l'a été par exemple le juge Michel. Je n'ai jamais eu de réponse. Et ça, je crois que c'est une double injustice. L'injustice de ne pas avoir identifié, fait juger ces assassins, et une autre injustice, c'est de ne pas avoir reconnu les mérites de ce magistrat au nom de la nation française. Je peux vous annoncer ici à votre antenne aujourd'hui que, à l'approche des 40 ans, eh bien, je vais faire la même démarche auprès de Madame Taubira, pour lui demander d'envisager enfin, je le fais au nom de l'institution, hein, je le fais pas au nom de la famille qui d'ailleurs ne le souhaite même plus, très échaudée par tout cela, mais au nom de la science judiciaire, je pense que je vais le faire, ça c'est sûr, et j'espère qu'enfin, 40 ans après, le monde judiciaire reconnaîtra, et la nation française reconnaîtra les mérites d'un magistrat hors pair qui est mort, encore une fois, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Alors vous savez que ça a eu un retentissement, évidemment, bien au-delà de la ville de Lyon, je m'en souviens personnellement. C'était comme en Italie, l'assassinat d'Alla Chiesa, du juge Falcone, et de Borsellino. Voilà, vraiment, c'est traumatisant parce que c'est la République qu'on attaque. Et puis le juge d'instruction, il a une place particulière dans le mécano judiciaire français. C'est le juge, voilà, c'est l'incarnation des juges. Vous avez vu le film d'Yves Boisset, bien sûr, le juge Fayard, qui raconte. Comment vous avez trouvé ce film? J'ai vu le film, je m'en suis souvent entretenu avec Yves Boisset. Le film s'éloigne beaucoup hein, de la réalité. Le personnage n'est pas le même. Hein. Patrick Devers n'est pas François Renaud. Hein. Et puis le film fait intervenir un certain nombre d'affaires en les mêlant, qui n'étaient pas forcément la réalité. Ceci dit, c'est un très bon film, et puis c'est une fiction quelque part, et puis c'est surtout aussi, je le vois moi, comme un hommage rendu à cette fonction particulière du juge d'instruction, et la mort dans le rôle du juge Fayard, dans le film, interprété par Patrick Devers, évidemment, rappelle très précisément la mort du juge Renaud. Merci Georges Fenech, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté ce qu'on écoutait en 1975, notamment Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Affaire sensible aujourd'hui, l'assassinat du juge Renaud, et nous en parlons avec le juge Fenech, par ailleurs député UMP du Rhône. Vous disiez tout à l'heure, quand vous avez écouté le récit, évidemment, ça vous a replongé dans quelque chose que vous avez vécu. Vous étiez à Lyon, évidemment. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, notamment cette histoire de cassette et de Guillaume? Non, alors cette histoire de cassette, elle est postérieure à ma décision de non-lieu. Donc je n'étais plus en fonction et j'ai appris par le commissaire Richard, avec lequel je suis resté en contact parce que c'est des affaires qui ont créé des liens entre nous, évidemment, l'existence de cette cassette par Guillot, dit Lacarpe, oui, qui s'accuse également d'être l'un des protagonistes de ce meurtre et qui donne des détails qui n'étaient jamais apparus dans le dossier que j'instruisais, notamment l'existence d'un deuxième véhicule, semble-t-il. Je crois que si nous avions la possibilité de remettre la main sur cette cassette, ça apporterait aussi peut-être un éclairage, ne serait-ce que pour assouvir, je dirais, ce besoin de savoir. Même si on a des convictions, il reste quand même quelques interrogations sur les mobiles et les auteurs. Voilà, cette histoire de cassette vient réveiller en quelque sorte ces vieux démons, hein, de l'époque, et je donnerais cher pour pouvoir visionner cette cassette. Question technique, un non-lieu est rendu, le dossier est fermé. Est-ce qu'une information importante qui arriverait maintenant pourrait permettre de rouvrir le dossier? Comment ça se passe dans ces cas-là? Malheureusement non, puisque l'affaire est prescrite au bout de 10 ans à partir du dernier acte d'instruction. Donc le dernier acte, il faut le considérer que c'est en 1994, au moment où la décision de la Cour de cassation confirme la décision de non-lieu. Donc à ma connaissance, la prescription est définitivement acquise en 2004. C'est-à-dire que si aujourd'hui un des auteurs vivants viendrait s'accuser, il ne risquerait, malheureusement, je dirais, il ne risquerait plus rien devant la justice. Et d'ailleurs, cette prescription, figurez-vous que je vais m'y atteler en tant que parlementaire avec mon ami et collègue de la majorité Alain Tourret pour remettre à plat tous les systèmes de prescription, allonger le délai de la prescription pour permettre à des crimes graves, notamment, de pouvoir être poursuivis plus longtemps après. Alors, autre réforme que vous préconisez, et elle est dans le titre du livre que vous avez écrit en 2005, hein, je rappelle le titre, Un juge en colère, virgule, en finir avec le juge d'instruction. Donc, en finir, bien sûr pas avec les juges, mais avec la fonction de juge d'instruction. Alors, c'est assez frappant, pourquoi dites-vous cela? D'abord, quel est le constat? Je le dis d'autant plus que j'ai moi-même été pendant 10 ans juge d'instruction et premier juge d'instruction à Lyon. Et je dirais que j'en parle en connaissance de cause. Même si, à titre personnel, cette fonction, je l'exerçais avec passion. C'était sans doute la plus passionnante dans la justice, hein, de pouvoir diriger des enquêtes. Parce que elle ne correspond plus au temps moderne d'aujourd'hui, ce travail d'un juge d'instruction solitaire, luttant contre le crime organisé ou la corruption avec un greffier. Tout cela est totalement dépassé. Tous les pays en Europe, excepté la France, donc l'Espagne, la Belgique, ont supprimé le juge d'instruction, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, les anglo-saxons, qui ne l'ont jamais connu. La difficulté, si vous voulez, c'est que le juge d'instruction est à la fois, comme disait Badinter d'ailleurs, Salomon et Maigret. Il a à la fois du juge et du commissaire. Il dirige l'enquête et il prend des décisions juridictionnelles. C'est un petit peu une fonction hybride qui mélange les deux et qui pose des difficultés. Soit on est enquêteur, soit on est juge. Moi, je suis pour un système plus accusatoire, avec des enquêtes faites par des procureurs et des parquets autonomes qui dirigent la police, et un super juge de l'instruction, c'est-à-dire celui qui intervient quand il y a des atteintes à la liberté individuelle, que ce soit une détention provisoire, une écoute téléphonique, voilà. Donc un système plus équilibré, avec un juge arbitre, et non pas un juge solitaire exposé même, on le voit à travers l'affaire du juge Renaud, dans sa propre vie, puisqu'il incarne finalement une enquête alors qu'il ne devrait pas, il devrait rester au-dessus de l'enquête pour pouvoir prendre des décisions proprement juridictionnelles. Alors, vous m'avez donné une idée, on va continuer à discuter, mais vous avez parlé de Robert Badinter. Ici à France Inter, ça va vite, il suffit d'entendre un nom et on va piocher. On écoute peut-être Robert Badinter précisément sur ce point-là, on peut ? Allons-y. Le juge d'instruction, eh bien, je dirais qu'il est là, il est présent, il est mêlé au crime, il est mêlé aux faits divers, alors on parle plus de lui. Mais je le dis très clairement et dès le départ, je suis excédé et du procès qu'on fait à la justice française et de son injustice, et du procès qu'on conduit actuellement à l'encontre des juges d'instruction. C'est pas, je tiens quand même à rappeler que ce sont des hommes qui exercent une fonction difficile, que ce sont des hommes qui ont des nuits difficiles avec de grands problèmes de conscience, que ce sont des hommes, on l'oublie parfois, qui payent de leur vie, leur courage dans l'exercice de leurs fonctions. Je veux rappeler aux téléspectateurs que les magistrats morts dans les dernières années, ce sont deux juges d'instruction. C'est le juge Renaud et le juge Michel. Et les mêmes journaux que je vois aujourd'hui s'impatienter à propos de tels juges d'instruction, je rappelle combien ils font, à juste titre cette fois-là, l'éloge de tel ou tel de ceux qu'ils appellent des petits juges. Alors, justice aussi pour les juges d'instruction. Voilà, Georges Fenech, justice pour les juges d'instruction. Ah oui, vous êtes complètement sur la même ligne, hein. Il disait exactement. Ça fait écho et résonance à vos propos. Oui, je n'ai pas l'exclusivité de cette ligne. Il y a beaucoup de spécialistes du monde judiciaire qui sont aussi conscients que notre système judiciaire, qui repose un peu sur le modèle napoléonien du lieutenant criminel, inquisitoire, secret, il doit laisser la place à un système judiciaire plus transparent, plus équilibré, et plus équilibré dans le sens de l'accusation et de la défense, et plus performant aussi, parce que une enquête ne doit pas être dirigée par un homme seul, c'est un travail d'équipe, une enquête de spécialistes qui s'appuient sur des experts, etc. Et le juge doit rester le juge arbitre, hein, celui qui prend les décisions, encore une fois, les plus importantes. Est-ce que certaines erreurs judiciaires, dont l'une des plus retentissantes était l'affaire Routh, trouve ses racines justement dans ce mécano judiciaire qui serait dépassé? Oui, je faisais partie de la commission d'enquête d'Outreau. On a bien vu les erreurs à travers un homme, mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça aurait pu m'arriver, là, c'était Fabrice Burgon en l'espèce, mais ça pourrait arriver à n'importe quel magistrat instructeur. On pourrait citer l'affaire Grégory, ou si on se souvient des critiques émises contre le juge Lambert, ou du juge Pascal qui avait instruit l'affaire de Bruyères-en-Artois. À chaque fois, on focalise sur la personne parce que cette fonction est trop incarnée, si vous voulez. Il faut vraiment, non pas désincarner la justice, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut que chacun ait véritablement sa bonne place dans le processus judiciaire. Et ça, c'est un syndrome très français. Hein. L'incarnation, on le voit partout d'ailleurs, y compris en politique, où l'incarnation, elle est, quelquefois, elle dépasse les limites de ce que pourrait être une démocratie plus simple et plus de proximité. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, monsieur Fenech, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir apporté votre éclairage, car je rappelle que vous êtes, vous aussi, un juge lyonnais. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat du juge Renaud, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.